Salut les accros, c'est le Big Ben. Et Antithèse. Rétro Gamer PQ. Tester Alpha. Et Tanuka. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 3 septembre 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Bon, ouais. Ça va fatiguer, mais ça fonctionne. On a une petite nouvelle pour ce podcast ce soir. On a une de nos rédactrices en chef, mais pas rédactrice en chef, rédactrice du site des accros des jeux, Tanuka, qui était avec nous. C'est un chef, d'un coup. J'étais à peu près une des seules qui écrit avec vigueur, alors. Comment ça va? Ça va très bien. Comme je l'ai dit tantôt, mais pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai pris une petite pause cet été, puis qu'il y a eu plein de choses dans ma vie, dont un déménagement et une job quand même prenante. J'ai écrit 2-3 articles en même temps. Ça va tout sortir en même temps un jour, mais c'est pas en même temps, là, parce que ça laissait le temps au monde de rire, mais c'est pas mal ça. Mais t'as paru quand même dans la vidéo des chips, alors le monde a pu quand même pu t'apercevoir. En train de l'oublier, cette vidéo-là, assez perturbante au niveau estomac. Mais... Oui, Surtout grilled cheese et ketchup. Ah, quelle horreur! Moi, c'est encore l'orignal à l'érable qui est encore en puanteur dans mon garde-manger. C'est cadavre d'orignal au sirop de photo. Et je vois la face de Retro Gamer PQ qui fait comme... Vous allez moi, j'essayerai pas ça. Oh. Il y a pas game. Il y a pas game. Je ne jamais me mettre au défi parce que là, je vais les manger. Ah, oui, deux autres sortes de legs qu'on n'a pas testé, hein? Hein, Sylvain? Hein? On a deux sortes de legs qu'on n'a pas encore touché. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? Oh. Poulet rôti et patate sauce. Voyons donc. Il y a Ça doit goûter le barbecue, les deux, je suppose. Je sais pas. Faudrait les essayer à un moment donné. Ah, on essayera ça le 10 novembre. On a d'autres sortes de trucs à essayer, là, je pense. C'est des serveurs de Kit Kat. Oui, il y a trois nouvelles Kit Kat Chunky qui ont sorti. Il y en a une à la vanille, une au beurre de peanut, puis un autre genre au chocolat blanc. Je pense que c'est un truc qui existe déjà au Japon aussi. Ah, ok, mais je pense qu'il faut voter pour savoir c'est lequel qui reste. Bon, c'est partant de tester du chocolat tout le temps. Bon, on fait un petit peu pour Lay's. Oui, ce soir, c'était le podcast de présentation de Lay's. Lorsque tu as envie d'avoir une petite bedaine, mange des Lay's. Qu'est-ce que tu as joué ces temps-ci? Bayonetta. Splinter Cell Blacklist. Diablo 3 sur Xbox. New Super Luigi truc machin. Hein. Ok. qu'est-ce que t'en penses en ce moment de Diablo 3 sur console? Sais-tu, j'aime mieux ça que sur PC. Ah oui? Pourquoi? Les contrôles, ils ont l'air tellement naturels. Sérieux? Ouais, je suis sérieux. Ouais. J'ai été moi-même surpris quand je l'ai mis. J'ai commencé à jouer puis ça joue vraiment comme un genre de jeu d'action, là, Dungeon Crawler. Là. Ok. J'étais assez surpris. Sérieux, les contrôles sont très bien réussis. Intéressant. Tant mieux. Antithèse, toi, tu disais que... T'as pas demandé à Retro, as-tu essayé le split screen? Non, pas encore. Faut jouer à 4 pour avoir le split screen. Non, tu peux jouer à 2. Oui, mais c'est sur le même écran. C'est ça que je te dis. Ouais, tu peux jouer à 2, 3, mais quand t'es à 4, là, t'es en split screen. Ah, oh. Ah, ok. On saura ça peut-être lorsqu'on va. Se voir le 10 novembre. Alors, d'ici. Antithèse de ton côté. Là, tu parles pour les jeux ou quelques jeux. Pour jeux. Écoute, ça fait 2-3 jours que. Dans la même bataille finale à Project Cross Zone. Au ghetto là. Pas difficile. T'es vraiment pas dans une bataille difficile. Non, c'est juste que c'est long, c'est intense. Ok. C'est intense, mais c'est gratifiant, puis c'est quand même, ça demeure le fun, l'affaire demeure là. Tu sais que la fin approche, mais t'as l'impression que tu vas avoir quelque chose de gros. Quand tu vas battre le boss de la fin, fait que j'espère ne pas être déçu. Sinon, bah, écoutez, j'ai renoué d'amour avec Bayonetta. Tu te prépares pour le deuxième sur la Wii U? Ben, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que j'ai déjà pas de Wii U, même si j'ai eu une offre pour, d'un ami qui veut me vendre sa Wii U, dépendant. Mais là, il vient d'avoir Rayman Legends, fait il y a des fortes chances qu'il ne veuille plus me vendre sa Wii U, mais... L'acheter quand t'as l'offert. Comment tu dis? T'aurais dû l'acheter quand t'as l'offert. Oh, écoute, moi je garde mon argent pour le Comic-Con, là. Ouais, tu prévois acheter payer un bel autographe avec Christopher Lloyd? C'est en discussion, si on veut, avec d'autres intéressés, pour pas non plus que... Ça coûte trop cher inutilement. D'accord. Un peu de solidarité, ça n'a jamais fait d'erreur de toute façon, et il faut dire que les accords sont quand même très solidaires entre eux. Je crois. Mais je te paierai quand même pas un autographe. Non? Non. Je vais t'offrir un autographe gratuit de Testeur Alpha. Ah, ok. Pourquoi c'est toujours Testeur qui fait l'autographe? Attends, d'accord avec ça. Hein? Ah, tu vas vendre ton autographe? Ben, certain! Hey! Combien? Ben, parce que vous autres, là, je vais faire vraiment un bon prix d'amis, là, ça va juste être 15$. Ah! Oh, ben, c'est encore moins cher que Félicie D. Ben, c'est ça! Hein? Écoute, j'en ai une fois de la vie à l'emporter avec 2$. Ben, non, ça va être tout gratuit, là. À ceux qui écoutent, là, oh, si vous me voyez, ouais. C'est gratuit, les autographes, ok? Les autographes, ça devrait pas être une source de revenus, un autographe. Ça, c'est mon avis, mais qu'est-ce que c'est? Le mien également, c'est... Ouais, mais faut pas oublier que... C'est du PR, puis c'est ça, là. C'est vrai que c'est ça, mais en même temps, les artistes qui vont là sont payés avec ça. Non, ils sont peut-être payés avec ça, mais regarde, Comic-Con, ils pourraient offrir un montant stable, un montant fixe. Non, ben, Comic-Con, ils n'ont pas d'argent. Mais, non, c'est ça qui arrive. Je comprends que Comic-Con, ils ont besoin de fonds monumentaux pour tout ça, puis... On s'entend que c'est là qu'ils vont aller chercher leur fond, mais en mais même temps, je trouve que... Au pire, tu vends des gimmicks, tu vends des photos souvenirs spéciales. Ouais, mais c'est vrai que ça poignerait pas tant, puis... Moi, je me dis, c'est un événement qu'en général, le monde va une fois par année, puis s'ils veulent vraiment voir une personne avec leur photo ou prendre leur autographe, ça vaut la peine de payer. Moi, c'est là que je le vois. Ce qui me fait penser par parlant de ça, Rétro, Jessica Nigri, tu penses qu'elle demanderait combien pour un autographe, toi? Jessica Nigri, elle va juste être avec le stand de Batman Origins. C'est ça, elle a pas de... J'étais allé voir sa page à elle sur le site, puis elle a même pas un montant pour payer. Non, elle est juste là comme cosplayer, elle est pas là pour comme... Ok, parfait. C'est ça. Je pense qu'on pourrait lui demander une photo gratis, puis au pire, un câlin. Moi, c'est un câlin que je vais lui demander. C'est l'interview que tu vas lui demander. Hein? C'est une interview que tu m'as demandé. Aussi? Mais je vais lui poser 3 questions. Who, when? Non. Pour que la surprise demeure. Pour vendre le punch. Tanuka, de ton côté, on t'a pas beaucoup entendu parler. Qu'est-ce que tu joues ces temps-ci? Voilà. Tanuka! Attends. Ok, non, je t'entends, je sais pas, c'est comme un grichement. Ok, ça va. Ça doit être les chips à Sylvain. Ouais. Ouais. Moi, ce que je joue, c'est en... Ben, en fait, je veux juste dire, parce que moi, ça vient par phase, tu sais. Des fois, j'ai comme un trip, ah, j'ai joué à tel jeu, puis là, je joue genre full pin, là, puis là, j'arrête. Là, ça arrête pendant plusieurs mois, puis là, je suis dans ma phase plate, puis je joue pas. Mais ça va sûrement revenir à Manu, je vais avoir un trip de jeu. Ok. Ouais. Ah, oh, c'est correct. donnez-moi un petit... Moi, de mon côté, je suis en train de finir Mass Effect 2. C'est pas si pire. En ce moment, je suis en train de finaliser. Sinon, je suis énormément dans Plants vs. Zombie 2. J'ai pas envie d'acheter des étoiles pour aller plus vite dans le jeu. Fait que ça prend fucking long de temps faire des petits défis. Ouais, mais ça veut dire aussi que ton temps de jeu dure plus longtemps. Oui, Sauf que quand tu fais toujours les mêmes tableaux, t'es comme, ah, tu sais, j'aurais pu acheter le jeu 5$, 10$, ça m'aurait pas dérangé, tu sais. Comme, c'est ça qui m'agace le plus dans les petits jeux gratuits, là. C'est comme, tu sais, tant qu'à ça, vends-moi le jeu, point. Il va être correct après, tu sais. En fait, tu me fais penser, bien fini, mais tu me fais penser à quelque chose, Ben, pour propos de jeu de. Ben, jeu sur Android. Mm-hmm. Ben, toi d'avoir fini ton expérience. Ni les jeux que tu as joué, puis on va te parler d'un autre jeu que moi j'ai joué. Mm-hmm. Je recommence. Finis ce que tu disais, puis ensuite moi je okay, moi okay. Jeu que j'ai joué. Ok, sinon à part ça, ben je suis énormément dans. J'essaie de commencer. Genre, je suis quasiment à la fin de Medal of Honor, genre le premier remake qu'ils ont sorti en PlayStation 3. Là. C'est comme. J'ai fait 3 heures, puis ça a l'air qu'on finit le jeu en 4 heures. Ben, j'ai rien que payé 5$ pour le bundle, fait que je m'en fous un peu, mais tu sais, c'est comme... Non, je paierais pas le plein prix. Tu sais, je suis pas le genre de gars qui va acheter Call of Duty puis, le premier jour puis qui va passer son temps à jouer dessus. Je pense que j'attends comme 3 ans avant d'embarquer dans un Call of Duty. T'sais. Tu joues pas à Call of Duty? T'es pas un gamer! Éveille-toi. Call of Duty sucks. Non, faut pas... Je donne à César ce qui revient à César. Call of Duty, c'est bon. J'aime le style, mais je suis pas le premier à sauter dessus le premier jour pour l'y jouer finalement. C'est vraiment pas mon genre, puis moi je préfère beaucoup plus les RPG que Call of Duty. Là. C'est un choix de goût, pis c'est correct. T'sais. Regarde, Sylvain aime pas Fallout 3, c'est son goût. Puis j'aime les Skylanders. Moi j'aime pas les Skylanders. J'aime les Juste pour te dire, Sylvain, à peu près quoi 5 vidéos là-dessus? 5, juste 5. Oui, bon, il me semble que c'est pas beaucoup. J'ai oublié 2-0 à côté de ton 5, man. Juste 2, je pense. Vas-y, antithèse avant. Après ça, je vais passer la parole à Alpha. Ben oui. Écoute, j'ai. Je me suis pété un trip. J'ai décidé de downloader. Justement, le jeu sur Android gratuit Simpson. Ah oui, le petit jeu sur. Pour iPhone pis ben, jeu de téléphone, finalement tu bâtis la ville de Springfield. Non, c'est la ville de Springfield. T'as pas grand place pour bâtir, mais c'est sympathique. C'est très interactif. Ça m'a énormément surpris de ce côté-là. Mm-hmm, oui, mais moi j'ai joué dans les premiers temps. Je me suis tanné à m'emmener parce que j'avais toujours des pop-up qui apparaissaient tout le temps. J'ai comme fait j'ai ça là. J'aime mieux jouer à SimCity quand il me jouait qu'il me sac la paix, il me sac la paix. Là. Mais non, c'était pas super. J'ai bien aimé ça. Assez tenté d'ailleurs comme jeu, alors. Alpha, ton côté? Écoute, j'ai pas le temps ces temps-ci pour jouer. Je suis vraiment dans le jus, là. Puis d'ailleurs, ça me met en retard dans mes vidéos. Là. Fait que ces temps-ci, je joue avec une seule chose, puis c'est ma caméra. J'essaie de mettre les settings au mieux, puis en tout cas, ben c'est tout. C'est le seul temps que j'ai pour jouer. Ah, fait que tu regardes ton gros Kodak puis tu dis un jour je vais t'utiliser. Ouais. Un jour. C'est la durée. Oui. Alors on va aller saluer notre monde qui est sur en ce moment sur le chat YouTube. Alors il y a beaucoup de monde ce soir. C'est vraiment le fun de vous voir. Alors on dit un beau bonjour à Elevator Tech, Névrose. Et George 6, Shadow Zone Game, Tania 01. Sinon, pas ça. Yann Bersize, David Forget. Et Névrose, tu peux te signer avec ton autographe sur mes factures et chèques. C'est ça qu'il demande à toi, Alpha. Hein? Il te demande si tu peux signer ton autographe sur ses factures et ses chèques. Mais pourquoi? Ouais, mais ça change rien si c'est ses chèques à lui, ça passera pas. Non, mais. Amène-le ton chèque pareil, on sait jamais. Si tu on réussit à te faire signer toi. On va juste mettre notre signature sur l'autre bord l'autre bord du chèque, on va être correct. C'est ça, ouais. Merci, Ben, ouais, yes. David Forget dit que c'est sa première fois qu'il va au Comic-Con cette année, ça ressemble à quoi? Je vais laisser Sylvain répondre parce que c'est un vétéran du Comic-Con, je crois. C'était quoi la question? Parce que je disais les trucs sur... Ça va être sa première fois, son premier Comic-Con. À quoi ça ressemble? Un Comic-Con, à quoi ça ressemble? Oui. Mais ça ressemble sûrement pas à ce qu'il y avait deux ans au Comic-Con à Montréal, en tout cas. Non. Moi, je peux aller. Écoute, c'est beaucoup de monde de cosplay, beaucoup de stand artistes, beaucoup de vendeurs de jouets, de figurines, des artistes à profusion, etc. Et puis, etc., etc. Il y a du geek au pied carré. Moi, puis même au centimètre carré. Ouais, pas mal. Puis des fois, ben, il y a du monde dans des costumes qui ne devraient pas être dans des costumes. Oh! Ça, on est d'accord. Tant que c'est pas Sailor, tant que c'est pas le gars qui se déguise en Sailor Moon, qui est quand même énorme. Une granny habillée en Catwoman. Et voilà, écoute. Un gars poilu qui est habillé en Slave Leia. Dans Avant-Gif qu'on a vu. Un Batman de 700 livres. C'est pas dans le poids que c'est un peu, c'est bon d'avoir un peu de retenue des fois. Ouais. C'est sûr. Daniel 01 dit qu'il y a beaucoup de cosplayers qui sont payés par les conventions pour être présents sur les lieux et attirer les gens. Oui. Jessica Nigri. Je vois pas de quoi vous parlez. Non. C'est sûr qu'elle attire personne. Hein, non, non, c'est clair. Non, mais non. Alors, on a aussi Philippe Saint-Jean qui vient nous sortir la première nouvelle, vu qu'on va embarquer dans les nouvelles. Le joueur du grenier qui va être au G-Anime à Gatineau en 2014. Ben oui. Et... Bon. Nous aussi. Les accros seront présents au G-Anime cette année à Gatineau. Toute la gang. Yay! Gang! Je vais être enfin avec vous autres. Oh! Ben là, on se voit dans même pas une semaine. Ouais, c'est vrai. T'sais, tu vas partager une bouffe avec moi. Wow! Là, je vais faire... Là, je vais pas dire, finalement, est-ce que c'est Alpha ou Rétro qui sont le plus grand? Ben, je sais pas, tu mesures combien, Alpha? Ben, ça dépend, là, si... j'ai un cheveu pis que je l'ai fait tenir droit sur ma tête, ça me grandit pas mal. Tu sais, comme Paul dans Tekken, c'est sûr que Alpha, ouais, tu parles, c'est ça. De Rétro à plate couture. Une petite anecdote, juste mon frère, il est beaucoup plus grand que moi, il fait 5 et 10, pis il s'est gardé les cheveux super longs, pis à un moment donné, il y a une passe qui était punk. Il rentrait dans la maison avec les cheveux spikés, complets, avec un mohawk. Et je vous jure que les cheveux touchaient le plafond. Aïe, aïe, ça devait être long en maudit. C'était fucking long. Aïe, aïe. Wow. C'était une petite page de mon histoire. Oui, joueur du grenier, première fois qu'il va être au Québec, ça va être cool de le rencontrer pour une fois. Moi, comme vous avez pu voir dans ces dernières vidéos, il a beaucoup maigri. Fait qu'apportez-y pas trop de poutine. Je pense qu'on va lui donner une chance. Mais non, quand même. Il faut quand même y faire goûter à poutine, là. Mais quelle poutine qu'on fait? C'est sûr et certain que quand il y a un Français qui est jamais venu au Québec, faut que tu lui fasses manger de la poutine. Puis ça, là, à ma job, on le fait à chaque fois qu'il y a un Français qui arrive dans Baptiste. Tu lui donnes une originale poutine ou bien tu lui rajoutes du bacon dedans? Ben, poutine originale, oui. Quand même, il faut pas le monter à un trop haut niveau avant. Hein. Non, ah. C'est ça. On va l'habituer tranquillement, on va l'initier. C'est la poutine au steak haché qui est bien meilleure. Bon, du bacon. Hein? Avec saucisse. David Tanka, j'aime bien celui avec la bacon. Là, je suis en train de donner faim à tout le monde. Bonne pute. Donc, à part de ça, je pense qu'on va pas aller dans mes autres nouvelles. Alors, d'ici là, on va y aller avec la grosse nouvelle qui nous a comme tout fait capoter en fin de semaine. C'est le Kickstarter de Mighty Nine. Mighty Number Nine, oh yeah! Qui va être qui vient de commencer puis qui vient déjà de battre son record, qui vient déjà de battre son objectif en 3 jours. Oui, et plus. Et t'as fait une petite vidéo en plus pour en jaser, mon cher Rétro. Alors, oui. J'étais tellement excité par la nouvelle qu'il fallait que je fasse une nouvelle série de vidéos juste avec ça. Et ça a très bien fonctionné. On a eu des bons commentaires en plus sur le chat qui disent que comme quoi ils ont beaucoup aimé ta vidéo. Alors, tous les lundis, à partir de maintenant. Nice. Tous les lundis, attends, là, ton horaire change souvent. Non, ça c'est l'hebdo, ça. L'hebdo va être tous les lundis. Ça vient de commencer? Ben oui. OK. Fait que lundi prochain, on a intérêt à avoir une vidéo. Sinon, on vient de casser deux jambes. Ouais, mais il est loin, il est à Québec. Puis il y a la bombe. Non, mais vous attendrez que je sois au Comic-Con ou me casser deux jambes. C'est quoi cette affaire-là? Non, non, mais... On se casse. Non, si on fie à ce que Ben dit, c'est juste moi qui ai le droit de casser les jambes aux gens. Fait que... Ouais, mais faut que je te donne l'ordre aussi, hein? Pas toujours. C'est pour toi. Oh, ouais. Tu es en train de dire que Tite, c'est ta bitch? Exact. Ben, c'est ma bitch. Là, je vois comment tu t'aises comme « Oh non, qu'est-ce que tu viens de dire là? » Ben, depuis qu'il a dit qu'il était le mon bêta, je me le permets. Alors, non, je me commettrai pas à frapper sur Antithèse, inquiétez-vous pas. Mais écoutez, Mighty No. 9, ça va être vraiment cool. Moi, je trouve, sérieusement, c'est cool qu'il ait fait « Fuck Capcom, je m'en viens avec mon personnage, avec mes idées, puis je pars quelque chose de neuf. » Ça, là, j'y donne ça. C'est excellent, parce que Capcom, il laissait mourir la licence, là. Puis ça prenait quelque chose de même pour la... pour la plaire rêve, aux fans, là. Qui apprenait un bon compétiteur, vraiment, là, à Megaman. Là. Puis il y a qui d'autre que Keiji Inoue, le créateur de Megaman lui-même, pour le faire. Et voilà. Fait que, tu sais, on y donne vraiment ça, le Keiji, là. Tu vas faire une crise belle job. Puis les images qu'on a vues en ce moment, moi, je... Bon, c'est pas du gameplay qu'on a pu voir. Mais c'est du bon concept art, on nous dit. Mais c'est du très bon concept art. Puis j'ai bien hâte de voir. Ça va être vraiment un Megaman. Vous avez juste à enlever l'idée, ça va être un Megaman à sa façon, comment il aurait voulu le faire depuis longtemps. Si vous avez la chance, allez voir la campagne Kickstarter. Moi, je vous donne un petit 20 dessus. Je veux au moins le jeu. Je veux au moins le jeu en téléchargement pour moi. Puis, je sais que toi, t'as mis 5$, c'est le 20 pour aider le jeu. Fait que. Non, allez aider. Allez aider le jeu, ça va être vraiment cool. Il y a aussi Shadow of the Eternals qu'on peut aider. Lequel? Ouais, mais ils ont fermé le Kickstarter, je pense encore. Sérieux? Ouais, Shadow of the Eternals, j'ai mis de l'argent dedans, puis ça a planté. Ils sont rendus à 50%, ça a fait paf. Ben oui, toi, fuck. Ça n'a pas décollé. De voir, là. Non, ça n'a vraiment pas décollé. Puis l'idée est bonne, mais faut qu'il aille chercher un partenaire. Point. C'est pas tous les projets qui démarrent. Non. Mais non. On va essayer d'aider nos amis de chez Douteux. J'ai deux suggestions si jamais vous voulez faire du financement Kickstarter. D'accord. En parlant de ça. On va y aller avec un projet local de nos amis des Douteux. Qui essaie de sortir un coffret qui s'appelle Spécial Sexe Douteux. Fait que c'est une compilation qui va sortir en DVD qui ça s'appelle Tout le monde tout nu. Puis vous pouvez acheter pour soit le coffret, vous pouvez mettre un 10$, 30$, 50$. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer vraiment un coffret d'images assez douteux. Et je dis bien douteux. 18 ans et plus, je vous avertis, parce que vous allez voir des parties génitales à tour de bras. Et ben, si jamais vous êtes assez fou de payer 500$, qui s'appelle un mégadon extraordinaire, ben, qu'est-ce que vous allez réclamer? Bon, rendu là, t'es juste fou ou t'as vraiment de l'argent acheté par les fenêtres. J'imagine qu'à ce prix-là, on peut garder tes enfants, rénover ta toiture ou t'aider à déménager. Tu sais que rénover une toiture, ça coûte 20 000 piastres, hein? C'est un hostie de bon investissement. Ouais, c'est ça. Okay, oui. Maintenant, fait que je vous conseille d'aller voir la page sur Indiegogo. Je vais mettre le lien directement sur le Facebook des accros. Allez donner un petit coup de main à la gang des douteurs pour qu'ils puissent avoir leur propre coffret. Ça serait vraiment génial. Nous autres, Alpha et moi, on est allés la semaine passée voir leur show, puis on a vraiment trippé, puis on espère les aider un petit peu plus. Sinon, j'ai un autre projet Kickstarter que moi m'intéresse plus. Raconte. Parce que ça allie deux choses que j'aime le plus dans la vie, qui est jouer et boire. Alors, il y a un nouveau jeu qui est en ce moment sur Kickstarter qui s'appelle Iron and Ale. Vous jouez le rôle d'un nain. Oh! Et... Un nain, toi. Un nain. Et moi, le but du jeu, c'est d'améliorer votre honneur. Et qu'est-ce qu'un nain fait pour gagner de l'honneur? Il se bat, il mine et il boit. Puis il se prostitue? Non. Un nain, ça se prostitue pas. Et si vous perdez dans le jeu, ce qui est le fun, ben, vous vous mettez à boire. Fait que, ah bon? Dans le fond, c'est un drinking game. C'est un drinking game. Un petit jeu de cartes, drinking game. Ça a l'air vraiment hot. Ça s'appelle Aaron and L. Vous pouvez trouver ça sur Kickstarter. Allez faire un petit check. Ça a l'air vraiment cool. Il reste 22 jours. Puis, en tout cas, moi, je trouve le concept off. Je vais vraiment me payer une copie du jeu. Pour une soirée entre accros où on va se saouler et on va voir notre chère antithèse faire comme facepalm. Ben oui, mais on va boire de l'eau ou du jus. Non, tu vas boire de l'eau, c'est correct. On va boire de l'eau. Tu vas boire une limonade? Maudit rejet, mais je bois de l'eau. Non, c'est correct. Non, moi, je pense surtout, le plus important, c'est que vous n'êtes pas forcé à faire quoi que ce soit, fait que... Même si le monde vous force à boire, non. Si vous êtes correct, comme vous êtes, c'est ça le plus génial. Parfait. Tout à fait. Ben d'accord. Et bon, on a une nouvelle. 33 millions de copies de Minecraft vendues. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, selon vous? Le 8-bit, ça rock. La réalité a toujours eu meilleur goût et aura toujours meilleur goût. Et voilà. Ça a pas besoin d'être beau pour être très vendeur. On n'a pas besoin d'avoir tous des jeux qui ressemblent à Skyrim. C'est ça. Voilà. Keep it simple, puis that's it. Là. Tant que le jeu est bon, là, fuck les graphismes. Tant que tu t'amuses. C'est ça le but d'un jeu, c'est t'amuser. Hein? Oui, puis surtout la créativité, c'est ça qui est le fun. Ben oui, c'est un jeu créatif. Puis, regarde, c'est plus open que n'importe quoi qu'on a eu auparavant. Là. Fait que ça, on célèbre ça, c'est vraiment cool. Puisque le monde peut faire sur Internet là, avec ce jeu-là, Minecraft, c'est écœurant. Les possibilités sont infinies, c'est incroyable. Moi, j'ai pas joué vraiment, mais j'ai vu du monde jouer, puis à chaque fois, je suis comme égarisé. C'est incroyable. Tout à fait, parce que toutes leurs affaires qu'ils peuvent faire, moi, par exemple, j'ai vu m'emmener un combat de Mortal Kombat dans Minecraft. C'est moi. C'est du gros n'importe quoi, mais c'était drôle, tu sais. C'est cool. Voyons donc. Oui, tu vas voir sur YouTube. Allô? Bienvenue à Montréal. Je sais pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre, là. C'était toi, je pense. Ouais, c'était moi, ouais, il y a une ambulance qui est passée, elle m'a dit. Bienvenue à Montréal pour ceux qui se demandaient c'était quoi. Ouais, je comprends vraiment pas pour ça. Alors, c'est ma petite nouvelle par rapport à Minecraft, fait que, ben, moi, je suis pas du genre à jouer à ça, mais peut-être que vous allez peut-être aimer ça. Ça a l'air que, bon, on va donner un petit coup de pouce à Xbox One. Yeah. Quoi? Mais ils ont sorti une bonne nouvelle. Non. Tu sais qu'on a tendance à massacrer, mais on donne à César ce qui revient à César. Et, c'est quoi la bonne nouvelle? Ça a l'air qu'on peut brancher 8 manettes sur la nouvelle Xbox One. Wow! Mais faut trouver 7 amis. Ben c'est ça. Il y a personne qui a des amis si t'as un Xbox One, arrête ça. Si t'as 8 manettes d'Xbox chez vous, là, tabarnak, t'es riche en tabarnak. C'est comme ça coûte, 60$ une manette, calice. Oui, je sais. Ou ben t'as tout simplement ben des chums qui... Ouais, qui ont tous des Xbox One. Mm-hmm. Ben, j'ai la misère à penser vraiment que je vais avoir 8 amis qui vont vraiment avoir des Xbox One avec eux autres. Là. C'est non, mais vas-y. Même à 4, là, tu sais, à 4, c'était borderline, là, tu te rends à 4 des fois, mais, tu sais, ça arrive pas à tous les jours, là, à 8, là, hein, maintenant... Ça va être divisé en 8, là, ça va être dégueulasse. C'est quoi, là, c'est ouais, c'est ça. C'est ça, la grosse nouvelle? Ben, ouais, ils ont annoncé qu'ils pouvaient brancher 8 manettes. Moi, j'ai une question là-dessus, par 8 manettes, est-ce que les manettes sont rétro-compatibles? Ça a l'air non. C'est de même, mais... Non. Non? Non. Ben, il vient de se planter, dans ce cas-là, Mathieu. Vraiment pas. Yes, sir. Non, on l'avait basté dans notre podcast qu'on s'est mis à basher sur la Xbox One, mais... C'était le fun, ça. Ouais, c'était le fun, hein? Il faudrait qu'ils ressortent une console de même à tous les jours. Ben, on a... Mais non, mais tu sais, le monde a eu peur aussi la semaine passée avec la 2DS, on s'entend, là. Ouais. Puis, écoute, Rétro, je te donne ça, là. Qu'est-ce que tu as dit par rapport... Tu as amené quand même des bons arguments. C'était pas pour les gamers, c'était vraiment conçu pour les enfants. C'est conçu, bâti pour des enfants. Mais oui, c'est, ouais. C'est une bonne idée marketing pour aller chercher les parents pour les enfants. Mm-hmm. Tout à fait. Parce que même moi, j'ai ma nièce qui joue à trop de bras à la DS, elle a 5 ans. Puis, Mais sa mère avait peur d'y acheter une 3DS, puis là, j'ai annoncé qu'il y avait une 2DS qui allait sortir, pas de 3D dedans, puis elle était super contente. Bon. Ouais, mais c'est qu'aussi, la 2DS, je veux pas le prix, il est pour quelque chose. Les petits kids qui vont vouloir le nouveau Pokémon qui va sortir, mais... ils vont acheter la 2DS en même temps que la cassette de Pokémon. Ça va quand même leur revenir moins cher qu'une 3DS tout seul. Oui. À peu près. À peu près. Je suis sûr aussi que Nintendo, ils ont pensé à ça aussi. Ben, exact. Ils sont pas fous, là. Non, des caves, là, tu sais, veux dire. Puis de toute façon, tu sais, même moi, je t'avoue franchement, là, si j'aurais pas eu ma 3DS, peut-être que j'aurais été chercher la 2DS. Pour moi, ça aurait été avantageux. Bon, ça s'en vient finalement. Oui. Le tournage déjà. Mm-hmm. Et juste le. Hein, t'as plus, là. T'es en train de me dire là, qu'ils commencent à tourner là. Mm-hmm. Qu'ils disent que le film va sortir en janvier 2014. Non, début du tournage le 13 janvier 2014. Ah. Okay, moi, j'ai mal compris. Ça se peut. J'ai compris ça, j'étais quand même maquillé 5 mots par un film. Ça se peut pas. Non, il est censé sortir en 2015, le film. Si jamais vous avez la chance d'aller à Vancouver, ben, le tournage se fait là. Ah non, ils font pas ça live, là. Mais ils se font là-bas ça à Vancouver, au Canadian Motion Picture. T'es en train de me dire qu'ils vont filmer du vrai monde, là? Ça va être l'air. Ah, tabarnak. Pourtant, les deux sont reconnus comme étant parmi les meilleurs animateurs de jeux vidéo. Fait que pourquoi ne pas avoir utilisé cette capacité-là pour faire leur film? Là, je suis déçu. Tuez pas le poussin dans l'œuf, là. Laissez-leur une chance. Ouais. Comme on va laisser une chance à Ben Affleck. Comme on va laisser une chance à Xbox One? Non, quand même. Non. Mais là, si tu as deux poids, deux mesures, le testeur. Là. Parce que, mais Xbox One puis Ben Affleck dans la même catégorie. Non, mais donnez-y une petite chance, on sait jamais. Alors, en passant, gang, le problème, je ne peux rien faire pour YouTube. Je n'ai pas le contrôle, ça bug. C'est le site internet. J'ai pas de contrôle là-dessus. Je suis désolé si ça bug, mais en ce moment, je peux rien faire. Le problème, c'est que la vidéo recommandée des 5 bugs de YouTube les plus récents. En ce temps-là. C'est ça. Oui, il est capable de faire deux choses en même temps, en partant. C'est ça. Fait qu'écoutez, pour ce qui est du bug du site, je peux rien faire sur YouTube. On continue à faire le podcast comme à l'habitude, puis on... C'est la seule chose qu'on peut faire. On est vraiment désolé. On peut pas faire grand chose d'autre de plus parce que sinon c'est faut que ça soit chez Google qui arrange ça. Fait que on va continuer. Fait que c'est ça. Autre chose, j'ai appris cette semaine qu'il y avait une compagnie qui porte mon surnom. Ah ouais? Oui. Écoute, on a déjà déterminé que tu étais un monument historique, d'où ta couleur. Ouais. Fait que c'est inévitable que tu deviennes éventuellement une inspiration. Eh oui, écoute, la compagnie s'appelle Big Ben Interactive et ils proposent une tablette 7 pouces fonctionnant sur Android. Et c'est une tablette de gaming. Il y a quelqu'un qui s'est parti une franchise de toi, Ben. Ouais, il faudrait que je les poursuive. Hein? Ouais. Ah. Ouais. Ils ont pris mon nom, ça devrait pas fonctionner de même. Mais quoi que l'Angleterre pourrait me poursuivre, par exemple, j'ai pris le nom de la grosse tour. Non, c'est pas une trademark. Ah, ouais, c'est vrai. C'est un landmark, c'est ça. Ah, ok. Fait que, ben, écoutez, ça va sortir en novembre 2013, cette petite tablette-là, mais c'est une tablette de gaming. Est-ce pendant que ça tablette, vaut la peine? Oui. Pendant la tablette, avez-vous vu le nouveau nom de la prochaine version d'Android? KitKat! Oh. KitKat! KitKat! Yeah. Hey. Mais oui, ils sont enragés avec Nestlé pour avoir KitKat comme nom de prochaine version d'Android. Bon. D'accord. Vu que ça suit toujours des bonbons ou des desserts, ben, ça fait du sens. Ouais. Attends, là, bientôt, on va avoir les Joe Louis. Ça serait cool, ça. Android 4.5 Joe Louis. Android. Comment ils s'appellent les petits gâteaux aux États-Unis qui te capotent toutes, là, les Twinkies? Les Twinkies? Ah, mais c'est pas fermé, ça? Ça veut dire qu'ils ont réussi à sauver la compagnie pour ce qui est des Twinkies, en tout cas. Ah, je connais pas ça. Je pense que c'est Vachon, genre, qui a acheté les droits pour avoir le... Screen error. The full screen error is a bug. C'est quoi, ça? Excusez-moi. T'es en train de me dire, Chris, t'es en train de jouer dans mon podcast, j'ai interdit ça. Pour ça. C'est bon. Bon. Alors, autre nouvelle. Hein? Un petit peu de discipline. Discipline. Monsieur. Sinon, je vais t'envoyer dans le coin avec Beta. Non. Et t'as pu. Non, on précise, si vous allez rencontrer Beta au Comic-Con, il pue pas. Il va prendre. Inquiétez-vous pas. Il bavera pas sur vous non plus. Il est quand même sortable, là. Je l'ai dressé un peu quand même. Il fait le beau une fois de temps en temps. Es-tu capable de faire donner la patte? Pas encore. On n'est pas rendu là. là. Alors, Beta, on te manque. À un moment donné, on va te revoir sur le podcast. Là, on va être capable de t'avoir. Dernière nouvelle qu'on a eue par rapport à Nintendo, c'est la baisse de prix pour la Wii U, pour le coffret de luxe. Une baisse de prix de 50$. Je pense que ça a fait du bien. Ça fait un an, je pense, c'est sorti. C'est ça? Depuis novembre 2000, ouais, 2012. C'est vraiment un an. C'est ça. Eh ben. Mais en fait, il aurait dû, stratégiquement parlant, il aurait dû baisser le prix pas mal avant, considérant que les ventes étaient déjà pas extraordinaires dès le départ. Ok. Ouais. De ce côté-là, moi, c'est sûr que la Wii U, ça va peut-être y faire du bien, surtout que le parent à Noël qui voit qu'il n'y a plus de PS4 et qui veut pas d'Xbox One. Parent, achetez pas Xbox One. Ah, non. Peut-être que la Wii U sera une bonne alternative, surtout que il y a quand même des excellents jeux qui sortent là-dessus pareil. Et moitié prix aussi. Non, c'est ça. Et un petit peu moins cher. Moi, j'aimerais beaucoup le pack de Zelda, en tout cas. J'aimerais beaucoup ça. Oui? Non, je l'ai dit dans mon vidéo, c'est correct. Ah, vas-y, regarde. Vas-y. Non, mais l'idée du bundle est cool, sauf que de ne pas avoir la version physique dedans, c'est carrément lame. Ouais. Elle l'est. T'as l'accord. Ça fait pas collectionneur, mettons. Non, surtout moi. Surtout moi. Alors, d'ici là, c'est tout pour les skis des nouvelles. On va aller voir un petit peu ce que le monde nous jase sur Internet, sur YouTube. Et ça jase beaucoup. Merci beaucoup d'être présent, la gang. C'est vraiment le fun. On a Névrose qui nous dit que la compagnie Big Ben, c'est une compagnie française qui fait des manettes de merde depuis longtemps. C'est très flatteur. Oh. Ça en dit long sur la tablette. Sorry, Ben. Mais t'as associé à de la merde, ça va bien. Hey. Come on, gang. Une chance que je m'appelle pas Pélican. Une chance. Et c'est bol. J'ai déjà eu une manette Pélican jeune pour ma PlayStation 1. Ça a réussi à faire péter un port de manette. Ah. Ouais. C'est l'horreur. Mais t'as fait ça, c'est une du 5 volts qu'il y a là-dedans. La manette, je sais pas pourquoi. Mais ça fait fucker mon port 1. J'en ai aucune espèce d'idée pourquoi. Je suis sûr que t'avais mis quelque chose dedans, ou ton dick, ou je sais pas quoi. Là. Mon quoi? Non. Non, non. C'est normal. Ok, Tanuka, je vais te prévenir d'avance. C'est normal qu'on se bitch. Ah, j'en ai dit donc. C'est ce qui fait la joie d'écouter notre podcast ce soir. Alors. On se bitch, nous autres? Hein? Hein? Hein? Ah bon? Ouais, on est capable de dire plein de mots. Regarde, je vais laisser Antithèse dire un mot censuré. Beep? Voilà. Ouais. Tu vois, il l'a dit. C'est très vulgaire comme mot en plus, ça n'a pas de les essences. Ça se dit pas des affaires de même! Ou si c'était toi, j'irais coucher. Auto-censuré même. Okay, j'ai fait deux choses en même temps, encore une fois, bon. J'ai passé le mot, puis j'ai censuré. T'es fort. Monsieur Setter dit que le film de War, ça sent la joke. Ça sent la joke. Pas un poisson d'avril. Ben, je sais pas comment ça sent une joke. C'est un fait que WoW, la lore de WoW est assez, en fait, tellement développée que je ne sais pas comment ils vont faire ça. Là, mais c'est sur... On le sait-tu sur quoi ça va porter? Non, hein? Je te le dis, moi, ça va être une trilogie à la Seigneur des Anneaux. Ben, sincèrement, il faudrait, là, parce qu'en un film... Même en trois, je pense qu'il y a trop de matériel. Non, c'est ça, c'est ça, tu sais. Même en trois, ça va ressembler quasiment au film Donjons et Dragons, là, c'est comme... Ah, c'était de la merde, ça! C'était de la merde! Ah. C'est pour ça qu'en un film, écoute... Tu sais, quand le 2, il est meilleur, puis que le 2, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de budget... Il y a un 2? Oui! Pour vrai, je savais pas. Pas non plus. C'est... Ça donne-tu une idée que ça devait être à chier? Ça? Ils ont fait un 2, je l'ai écouté, je pense que c'est Curse of the Black Dragon. Puis genre, c'est. Tu sais, le gars avec le pas de cheveux dans le premier, là? Il y en a plusieurs qui avaient pas de cheveux dans le premier? Mais le méchant, là. C'est le méchant. Il se fait ressusciter en lich, puis il commence à vouloir comme conquérir le monde puis à transformer une femme en lich puis tout ça, c'est quelque chose là. C'est original. C'est original. Mais le scénario est meilleur, c'est juste que visuellement, le dragon, il est super lit, ça doit être un film... On dirait qu'on est en train d'écouter Hercule. Kevin Sorbo. Ça donne l'impression que c'est quoi le CGI que dans ce film-là, c'est de la merde. Ça pourrait passer au douteux. Eh ben... sinon, on va aller voir qu'est-ce que le monde nous dit. Sinon, Névrose dit pour descendre le prix de la console, il n'y a pas vraiment de jeu, ça n'a aucun intérêt pour ce qui est de la Wii U. Le problème de la Wii U, là, c'est pas le prix, c'est le fait que le monde pense que c'est encore juste une Wii avec un U debout. Mm. Alors, sinon, à part de ça, Tania dit P, tu pourrais t'appeler Xbox One, ça fait peur. Ouais, je. Mais non, Xbox... Ouais. Non, c'est sûr que Xbox One, ça a été un username de... En fait, ça a été plusieurs formes de username de plusieurs utilisateurs avant même la venue du Xbox 360. Tu pourrais t'appeler Benbox? Benbox? Benbox One! Non, je déconseille Ben de t'appeler Benbox. Non, de Huck en a un qui voulait que je m'appelle Master Ben. Quand les filles m'ont entendu au tacton, ils m'ont fait... Master Ben? Ça t'approche de Master Bait? Non. Les filles m'ont coup de fait comme. Hein? Ta soeur et moi aussi, on avait comme. T'as pas fait ça pour de vrai. Ben ouais, j'ai un carton ici, c'est marqué Master Ben. Écoute, au moins, on peut te féliciter sur le fait que tu as eu le guts. On fait ça. Ben ouais. C'est un carton, j'utiliserai jamais le nom. J'ai déjà Big Ben depuis longtemps, puis je pense que c'est en masse avec mon nom pour le restant du temps je vais faire des vidéos. Fait que sinon pas ça. Qu'est-ce qu'on a sinon? Yann Baird nous demande s'il y a des moyens de voir nos collections de jeux. Ben, moi c'est déjà fait. Un jour. Ben, c'est moi ta voix déjà en arrière de mes. En background. Mm-hmm. Puis sincèrement, j'ai pas l'intention de faire une vidéo sur la collection. Malheureusement, c'est pas dans mes plans. Non. Fait que là-dessus, la gang, vous allez pouvoir commencer à jaser de la Game Boy. Parce que là, on se met à jaser de notre bonne vieille Game Boy. Nice! Moi, on va commencer avec vos premiers souvenirs de la Game Boy. Je vais demander à... je vais commencer avec toi, la petite thèse. C'est quoi ton premier souvenir de Game Boy? La première fois que tu as tenu une Game Boy dans ta main? C'était Tetris. Est-ce que c'était au magasin ou chez toi? Écoute, c'était un cadeau de fête. Fait que dans le fond, on peut dire que c'était chez moi. Mm-hmm. Et je jouais beaucoup avec Tetris. Beaucoup. C'était le jeu que j'avais de toute manière. Mais... C'est peut-être ça qui fait que Tetris est mon jeu préféré. Sylvain, ton côté? J'étais allé chercher mon Game Boy Color, fait que j'ai pas entendu ta question. Ton premier souvenir de Game Boy tenu dans ta main, c'est quoi? Ah, ben, écoute, moi, mon premier jeu que j'ai eu avec ma Game Boy, c'était Mega Man. Oh! Oh! Intéressant. Un vrai de vrai, un true Mega Man. Mm-hmm. Et ça, puis Tetris, là, c'était mes deux jeux maximum, là, à cette époque-là. Là. Mm-hmm. Tanuka, de ton côté? Ben, moi, je me souviens que c'était à Noël, c'était même pas pour moi, c'était pour mon ami, ben, un ami de la famille, là. Ouais, Noël, on rencontre surtout des amis de la famille. Voilà. Bernard peut se tenir dans ce coin-là. Mais non. C'est ça, c'est un Game Boy Color. Peut-être vers, je pense, en 2000, il y avait Mario World. Non, c'est pas qu'il y avait eu Mario Bros. Genre qu'il y avait eu. Le Deluxe, le remake du premier? Ouais, en leur couleur, là. Puis moi, je connaissais pas vraiment les jeux. Ben, je pensais que c'était Mario 64, puis de petit écran, là, je capotais, là, puis moi, genre, comment ça regarder ça? Mais non, c'est pas Mario 64, c'est Mario en 2D. Un peu déçu, mais c'est ça. Mon premier souvenir de Game Boy Color. Alpha? Au primaire, j'avais un ami qui avait le premier Game Boy, là, gris. Et puis, il y avait quelques jeux dessus, puis il m'a fait l'honneur de me la prêter pour une fin de semaine. Ouh. Ah! Puis, oulala, que j'ai eu du fun! Mm-hmm. T'avais joué à quoi? Il y avait Mario Land 2, je crois. Puis, le petit truc de genre Tetris Yoshi, là. Oh, ah, pour inverser les symboles. Puis... Ouais, je pense que c'est ça. Yoshi Cookie. Ouais. Fait que c'est les deux jeux, je me souviens. Hein. Puis écoute, ça m'a fait triper en masse. Normal. Moi, je me rappelle que c'était mon cadeau de fête que je m'étais payé à 9 ans. Bien ça nice. Se vendait dans mon magasin que j'allais à l'époque qui s'appelait le Restaurant du Parc. Club vidéo. Où on descendait dans une cave et il y avait des murs. Non, c'était même, sérieux. Je vais faire une vidéo à un moment donné. C'était parce que dans une cave, le gars, il y avait des jeux, il nous attirait avec ça. Pat Bonin, je t'avertis, non, il n'est pas de même. Mais écoute, c'est mon premier boss que j'ai eu à vie. Fait que... Puis, il était dans une belle armoire vitrée, puis il faisait la Game Boy avec, je pense que c'était Tetris, genre, il faisait 30$. À l'époque. Fait que ça valait la peine. Oh my God. Mais c'était dans le temps, la Color venait de sortir. Fait que je pense que ça faisait à peine quelques mois que la Color venait. Non, c'était pas la Color, c'était le modèle. Le micro. Pas le micro, le mini. Comment ça s'appelle? En tout cas, il y avait le modèle plus petit de Game Boy avant. Moi, j'avais lu un gros. Puis j'avais Asteroid aussi avec. Tetris puis Asteroid. C'est la job. Ben, ça fait la. Tetris, le plus drôle là-dedans dans cette histoire-là, c'est que le Game Boy, c'est moi qui l'ai acheté pour ma fête, et c'est ma mère qui l'avait plus souvent dans les mains. Parce qu'elle passait son temps à jouer à Tetris. Puis là, ma mère était comme: Hey Benoît, viens voir, j'ai une fusée! Ah, cool, ma petite fusée, la première que j'ai eue. Hey Benoît, ma fusée est plus grande! Ah, oui, maman, c'est bon. Hey, je suis capable d'avoir la plus grande fusée! Hein? Non, pas ça. Ma mère est meilleure que moi dans un jeu. On est bon. Même mal à l'orgueil. C'est un petit peu, ouais. Vos premiers souvenirs, c'était ça. Et quel jeu pour vous... non, excusez-moi, je vais commencer avec une autre question, je suis désolé. Qu'est-ce que vous aimez de la Game Boy? Qu'est-ce qui... Ben, maintenant ou avant? Avant et maintenant. Okay. On va commencer avec Antithèse. Vas-y, Antithèse. Je pense que je l'ai avec l'évidence même. C'est le fait que, elle sait bien son nom. C'est une console portable. Donc, c'est le fait que tu peux traîner ça n'importe où, à n'importe quel moment. Dans ça, là, c'est bien mieux que les Game and Watch. Fait que c'est assez à ce niveau-là. Le début d'une révolution, on peut dire. OK. Et Sylvain, de ton côté? La quantité de jeux à l'époque qu'il y avait là-dessus, c'était phénoménal. Puis Même que quoi, ça prenait 4 batteries l'original, le gris. Ouais, là. L'original, ouais. Ça durait quand même assez longtemps, hein, sérieux. Moi, je me souviens d'avoir joué Castlevania, Belmont's Revenge, puis Mega Man, un à fil de l'autre, puis ça n'a jamais mouru. Là. Ah, c'est oui. J'avoue. Tanuka? Ben, je veux dire, comment tu fais, le fait que ce soit portable, je veux dire, vraiment plus portable que, mettons, un Game Gear, là, ça, c'est la grosse affaire, c'est atroce. En couleur. Mais je veux dire, le Game Boy Color, mettons, oui, c'est en couleur, c'est très portable, ça me prend juste deux batteries, ensemble, de mémoire. Là. Pour le Color, oui. C'est ça, c'est un très bon avantage. Là. Le Game Boy en noir et blanc, je ne l'ai pas vraiment connu, parce que je ne peux pas vraiment parler, mais le Game Boy Color, là, c'est dans le console. J'ai tout côté d'ici, de la connaître. Alpha? Moi, quand j'étais jeune, je n'avais pas de Game Boy, j'empruntais juste ceux à mes amis de temps en temps. J'ai eu ma Game Boy Color relativement récemment. Okay. Et puis, à place de jouer sur mon iPhone, parce que j'ai pas d'iPhone, moi, ben, je joue sur mon Game Boy Color. Voyons, ta soeur, c'est quoi, c'est ton méprisant? Non, c'est correct. Hey, je t'arrête. Voulez-vous une petite anecdote? Moi, on est allé faire un tournage, je m'en ai chez Alpha. Puis, il nous attendait. La première image que j'ai vue, c'est lui qui venait de fermer son Game Boy parce qu'il nous attendait. Fait que je trouvais ça cool que tu voyais comme Alpha en train de jouer au Game Boy pendant que moi j'arrive tranquillement. C'est comme... Ah oui, c'est vrai, j'attendais dans le métro, j'avais mon Game Boy avec moi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est cool. C'est vraiment la beauté de cette petite console-là, c'est de voir que moi, je peux laisser ça dans mon sac. En ce moment, là, je peux laisser ça dans mon sac, puis l'oublier pendant des mois, puis dire « Ah, je vais me retaper une petite game rapide, puis c'est super facile, c'est pas compliqué. » Puis tu dois voir aussi la réaction du monde. Le monde sont tellement habitués de nous voir avec des 3DS, avec des consoles super technologiques. Lorsqu'on sort une vieille affaire de même, ils font comme « Wow, hey, c'est une pièce d'anthologie. » Wow! Ça fait beaucoup d'effet dans un métro. Et auparavant, il y avait des jeux là-dedans qui sortaient sur Game Boy qu'on n'avait pas en plus sur nos consoles actuelles. Je me rappelle d'un jeu de par exemple, je pense que c'était les Looney Tunes. C'était un jeu super basic, mais je tripais tellement ce jeu-là que je le louais toutes les fins de semaine quand j'avais ma Game Boy parce que je m'amusais trop à ce petit jeu-là. Puis je l'avais pas sur Nintendo, il n'existait pas ce jeu-là. Là. Fait que c'était vraiment le fun, là. Vos jeux préférés de cette console-là? On commence avec la Game Boy ordinaire, puis après ça, on va aller vers Color. On va y aller à quantité. Écoute, définitivement Zelda Link's Awakening, en fait, partie. Ah. Sûr et certain. En fait, je vous dis que j'irai avec lui, parce que quand je le tourne, c'est pas mal lui qui m'aiderait le plus en tête de toute manière. C'est le Link's Awakening duquel que je ne jamais je me tannais de jouer et je ne me tanne toujours pas de jouer. L'ayant pour DS. Rétro. Écoute, il y en a beaucoup de jeux super le fun sur la Game Boy originale. Castlevania 2, Belmont's Revenge, qui est un excellent jeu. Mega Man 2 sur Game Boy, le Game Boy original qui était bon aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y avait aussi que j'aimais bien là? J'aimais bien Final Fantasy Legend 2 aussi. J'ai jamais joué à celui-là. Il était quand même pas pire là, sérieux, il était quand même bon. Puis écoute, Link's Awakening, tu sais, c'est un incontournable. Là. C'est un must. Bon, Tanuka, je pense que t'as pas joué au bon vieux Game Boy. Ben, en fait, j'ai joué au jeu du vieux Game Boy, mais sur Game Boy Color, qui est rétro-compatible. Donc, okay. Je pourrais dire, mis à part Link's Awakening, que je pense que, à l'unanimité, un des meilleurs jeux, mais il y a Wario Land 2, que j'ai adoré. Un excellent jeu. Wario Land 2, je te le recommande, il est vraiment fun. C'était comme pas mourir, mais c'est le genre de puzzle dans ce jeu-là, mais c'est vraiment fun. Là. Ok. Alpha? Mes jeux préférés? Sur la bonne vieille Game Boy. Écoute, j'ai joué à deux jeux dans ma vie, puis c'est sûr que mon ami m'a prêté. Ok. Fait, non, ben t'as joué à un jeu hier. Deux, mais Hein? Tu as joué à Gauntlet hier. Oh ouais, ben, 2 minutes, là. Sinon, au Game Boy Color, je me suis acheté récemment Mega Man 5. En fait, non, c'est-tu Game Boy Color ou c'est Game Boy? Le 5? Non, c'est non, ordinaire. En tout cas, il marche sa Game Boy Color, là, fait que peu importe, là. Puis il est excellent, je le trouve très bien, mais oh boy, qu'il est difficile. Ah ouais? Vraiment, là, ah ouais, il est pas facile, mais il est le fun. Je l'aime de même. Le 5, c'est bien celle-là avec les personnages qui sont nommés avec des planètes. Oui, oui, c'est ça. De mon côté, j'en ai quelques-uns ici avec moi. Je vais pas vous montrer à caméra, évidemment, le Zelda Awakening que je montre depuis tantôt, que pour moi, c'en est un de mes préférés. Puis c'est encore la même copie que j'ai eue de ma belle-sœur qui me l'a donnée parce qu'elle avait plus de Game Boy. Ça, c'est le fun. Fait que j'ai encore la copie de ma chère belle-sœur. Gauntlet 2, moi j'aime bien comme petit jeu. Je trouve que tu sais, quand t'as un petit trip de faire un hack and slash, là, genre, là, tu Game Boy, tu tapes ça, c'est le fun. Sinon, pas ça, les Mario Land, Mario Land 1, Mario Land 2, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment capoté. Deuxième jeu des Tortues Ninja aussi, il est très bon. Si vous l'avez pas, il est vraiment bon. Pas le premier, il est merdique. Oh, oui. Ça va. Le premier, il va. Non! J'aime pas le premier. Il est plate, le premier. Toutes les tortues ont les mêmes moves. Tu sais, si tu vois un move d'attaque, mais tu sais, genre le bâton de Donatello, c'est comme s'il y avait une matraque. Le premier, c'était fort de Foot Clan, tu sais. Ouais. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus en passant. Allez le voir. Oui, absolument. Disponible sur accourdesjeux.com. C'est bon, très bonne vidéo, ça, en passant. Oui, alors, allez le liker. Mm-hmm. Mais c'est vraiment merdique ce jeu-là. Et sinon, rapidement, Solar Strike, si vous aimez les shmups, c'est probablement un shmup que vous voulez peut-être avoir, il est vraiment bon. Solar Strike. Avant de continuer vers la Game Boy Color, on va aller voir ce que le monde nous dit. C'est quoi vos jeux préférés? Est-ce que vous voyez, vous autres, ce que le monde écrive? OK. Moi, ici, Rad dit Final Fantasy Adventure, Mystic Quest sur Game Boy. Ouais, c'est le titre européen, parce qu'en Amérique, ça s'appelle pas Mystic Quest, ça s'appelle juste Final Fantasy Adventure. OK. Puis il dit que ça faisait partie de la série Second Density 2, oui. Secret of Mana. Qui est le premier Secret of Mana, oui. Ah, intéressant. Sinon, à part ça, Elevator dit Final Fantasy. Mr. Stetter dit Link Awakening, puis les Pokémon Gold et Silver. Ça, on va revenir sur ça plus tard. On va rejaser plus tard. sinon, Elevator. Ah oh, non, Elevator a dit Link Awakening, tabarnak. C'est bon. Voilà. Monsieur Touftouf dit moi, c'est Dinotopia. Arc! C'est quoi ça, Dinotopia? Je pense que c'est une série télé. C'est genre, ça a comme fait une saison, ça a comme planté solide, là. Comme, ah, c'est pas. Ça a même pas l'air d'un titre de vrai jeu. Non. Hein. J'allais voir c'est quoi. C'est un vrai jeu, c'est très vieux. Sinon, il y avait. Kevin Dory dit il y avait 3 accessoires pour la Game Boy, qui avait la Pulse Pack, le Handy Pack et le Battery Pack. Mm-hmm. Moi, j'avais le Battery Pack à l'époque. Parce que moi, je mettais pas de batterie, j'utilisais la batterie, la grosse batterie, genre ronde, là, que tu pouvais traîner ton Game Boy partout. Là. La batterie était plus lourde que le Game Boy. Oh boy. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose. Il n'y a pas une imprimante pour le Game Boy aussi? Oui, ça c'était pour le Game Boy Color. C'est ça, hein? Avec la caméra. Ouais, oui. Oh my god. Où tu avais une face de toi en 8 bits. Quelle révolution, vous! Mais à l'époque, oui. Faut commencer quelque part, t'sais. J'imagine que ça doit valoir cher sur eBay encore, ça. Probablement. Il n'y a plus d'imprimante. Tu sais, je veux dire, il n'y a plus de papier à cette imprimante-là, là. Non, c'est ça. Je suis sûr que quelqu'un qui a gardé un rouleau gratuité, il va pouvoir vendre ça 50$ quasiment, là. Mais plus que ça, c'est le seul rouleau ever. Il y avait le Game Boy Camera aussi. Oui, c'est ça. C'est ça que je disais tantôt. C'est comme, c'était... je me rappelle qu'il y avait ce Game Boy Camera-là, puis ça donnait une face de toi en 8 bits. Ouais, c'était cool, ça. À l'époque, oui, parce qu'il n'y avait pas de caméra numérique auparavant. Non. On prenait des photos avec du bon vieux film. 24 poses. 24 poses. Notable. Contente. en marde. Si t'en prenais une photo de toi qui était dans. Pendant que ton Kodak était dans tes poches, t'étais faite, tu venais de perdre une photo. Fallait que tu crinques en plus. Puis des fois, si ton crinque marchait mal, ben, comme ta première photo embarquait, c'est ta deuxième. Ouais, c'est juste une barre noire, là. Ouais. C'est tout beau. C'était du bon souvenir, ça, le Kodak. Hein? J'avais plein de photos random quand j'avais 8 ans, genre des pare-brises de char à tonnes, là. Carl Gizon dit que les jeux que son oncle avait, c'était Wario Land, Super Mario Land 3. J'ai jamais joué à Mario Land 3. C'est Mario Land 1, ça. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Et Névrose dit que c'est Hidden Gems sur la Game Boy, c'est Alleyway et Donkey Kong. Donkey Kong Land? Non, c'est Donkey Kong. Là, c'est juste Donkey Kong tout seul. Ah, ok. Salut pour... Là, tu parles de ce qui est... Le Donkey Kong classique, là. Non, là. Okay. Le jeu avec des temps de niveau. Ouais. Yann Baird dit qu'il y a eu Mega Man 5 sur Game Boy, qui dit que c'est une belle petite pièce de collection qui vaut plus de 400$ complet. Est-ce que Alpha peut me confirmer ça, ou Retro? À propos de... Mega Man 5 en Game Boy complet. Il dit qu'il l'a eu pour 5$ complet dernièrement. Écoute, la cassette toute seule elle vaut près de 60$, là. Fait que... complet, 400, je pense exagéré, là. On va vous dire ça dans pas long. Il va faire ça. Je vais avoir des sources, lui-là. Là. Et avant de finir avec la vieille Game Boy, vous souvenez-vous du Super Game Boy? C'est quoi ça? Le petit Game Boy, là? Non, Super Game Boy, c'est l'attachement pour le Super Nintendo pour jouer au jeu de Game Boy Super Nintendo. Et c'était cool, ça. À l'époque, là, c'était une maudite bonne idée de sortir cette cassette-là. Et mettons que j'ai passé pas mal d'heures à jouer à Tetris dessus sur ma grosse TV. Et j'aimais ça. Ça faisait passer le temps. Ça fait le principe aussi au 64, je pense. Au 64, t'avais Pokémon Stadium. Marché. T'avais une pack en dessous de ta manette pour brancher mettre ton jeu de Game Boy de Pokémon. J'ai joué au GameCube aussi pour les Adventures. Je l'avais lu. Celui-là, je l'ai. Ça, c'est une très bonne idée aussi. Mais j'ai pu le céder par contre. Ça, c'est vraiment pas. Avez-vous 4 000$ à dépenser? Non. Bon. Si vous avez 4 000$, vous pouvez acheter Mega Man 1 à 5 sur Game Boy complet. 4 000? Ben non. Ouais. Pas mal, c'est trop cher. 4102,28. Oh my god. Bon. Hey, c'est seulement 24$ de shipping. Ben oui, une aubaine. Une aubaine. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le shipping, hein? T'sais, ton paquet va se faire cruncher. Comme... Ah, je suis pas responsable. C'est chiant. On va embarquer avec la Caller. Qui est sorti quelques années après. C'est quoi vos souvenirs avec la Color? C'est à peu près les mêmes que vous avez avec les... Zelda Oracle of Ages puis Oracle of Seasons. Pourquoi? Pourquoi t'es Zelda? C'est hot. C'est la question, là. Je le sais. C'est fucking hot, ce jeu-là. Ouais, tu t'emmerdes. Moi, ça, tu m'emmerdes. T'as les originaux, puis moi, je les ai plus. Oh... Ouais, veux-tu en savoir une bonne? Dans le temps, ma copine de l'époque avait acheté l'autre jeu. Et je m'en veux de ne pas l'avoir acheté. Tabarnak. Et je sais pas si elle l'a encore. Mais c'était bon à l'époque, les Zelda Recall. Puis je suis content d'avoir gardé ma cassette depuis ce temps-là. Alors, Titeur, de ton côté, c'est quoi tes souvenirs avec cette console-là? Aucun, parce que j'ai jamais eu de Game Boy Color, malheureusement. Il y a eu l'occasion, l'opportunité d'en avoir encore moins d'essayer. Fait que. Je peux juste dire que les enfants, c'est ça. Moi, j'ai fait le saut littéralement du Game Boy Monochrome au Game Boy Advance, qui ne fait pas partie du sujet d'aujourd'hui. Alors, je ne peux pas en dire plus. D'accord. On va y aller avec Tanuka. Oui, moi, Game Boy Color, en fait, celui que j'avais, c'est celui que mon ami me prêtait très souvent. Donc, moi, je ne l'ai pas eu, mais c'est vraiment la pratique souvent que je pourrais presque dire que je l'avais à moitié. Les jeux là-dessus, il y avait beaucoup de jeux du Game Boy original, tantôt, Zelda, il y avait les Pokémon, il y avait le jaune, je pense, le bleu, je pense qu'il y avait. Oui. Il y avait Donkey Kong Land 2, puis Wild Land 2 aussi, que je trouvais bien gros. Ça, c'est les jeux que je jouais tout le temps. Mario Bros. 2. Ça, je pense que c'est le seul qu'il y avait pour le Game Boy Color. OK. Fait que c'était souvenir avec la bonne vieille Game Boy Color. Ouais, ouais. C'est bon souvenir. Alpha, je pense que c'est ça. Comme tu disais, t'en as eu un récemment, Game Boy Color. J'en ai eu récemment, puis c'est ça. Je joue avec de temps en temps, là. Quand je vais attendre mon char chez le garage, quand je vais attendre des amis au métro, des affaires de merde. C'est quoi tes jeux que t'as avec? Mega Man 5, écoute, j'en ai pas beaucoup. J'ai Kid Icarus. Un jeu de course. J'ai Mega Man X aussi. Puis il me semble que j'en ai un autre qui m'échappe là. Puis c'est tout dans le fond. C'est vrai. Ah oui, j'ai Pokémon Jaune. Ouais, c'est ça. C'est cool ça. De mon côté, Game Boy Color, je vous avoue que même moi, c'est récent que j'en ai un. Ça doit faire 3 ans que je l'ai acheté le mien, parce qu'auparavant, je suis comme antithèse, j'ai sauté directement à la Game Boy Advance. Ouais. Mais, bon, des jeux que j'ai découverts sur Game Boy Color, parce que j'en avais pas auparavant, les Zelda, que j'avais acheté depuis longtemps pour ma Game Boy Advance, Oracle Season que j'ai. Et sinon, dans les jeux que j'avais essayé à l'époque, j'avais essayé A Perfect Dark, avec le Rumble Pack dedans. Fait que tu mettais une batterie genre pour sentir de la vibration quand tu tirais une balle. Des vibrations. Non, t'es en train de turn on rétro là. J'ai hâte de voir Catwoman la semaine prochaine. Ah oui. Oh non. Hey, t'en fais pas, tu vas la voir Catwoman. Comment t'as fait de savoir c'est ça mon costume de cosplay? Je te lance le défi de savoir qu'est-ce que j'ai envie de porter, moi. Je veux pas savoir. On peut-tu comme changer de sujet, please? Vous savez que tous les podcasts peuvent tourner de bord. Malheureusement. Mais c'est ça. De mon souvenir de Game Boy Color. Puis sérieusement, je suis content d'en avoir un à cette heure. Parce que je découvre encore plein de petits jeux là-dessus que sérieusement, je suis content d'avoir payé très peu cher. C'est très peu cher acheter une Game Boy à cette heure. Il les donne quasiment. Là. Moi, la mienne, j'ai payé 15$ pour ma Game Boy Color. Fait que c'est des peanuts. Est-ce que vous avez une version de la Game Boy que vous aimez le plus? La grosse brique originale. Une couleur ou bien la sorte Non, mais il y a eu plein de versions du Game Boy. Mm-hmm. Game Boy Color, il y a une version même plus petite, le Game Boy Coquette, je pense. Oui. Ouais. C'est ça le nom que tu cherchais tantôt. Oui, c'est vrai. Ah. Mais bon, dans le fond, le Game Boy Pocket, c'est un Game Boy gris, mais plus petit, slim. Dans le c'est fond. Ça, c'était vraiment petit. Ok, c'est ça. Fait que vos derniers... Est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur le Game Boy Color? Un défaut, mais c'est peut-être parce que je suis trop myope, là. Et oui, les gens, je suis très myope, j'ai des verres de contact. C'est la soirée des confidences ce soir. Oui, j'ai de la misère souvent à voir ce qui se passe à l'écran. Je ne sais pas si c'est parce que mon écran de Game Boy est sale, mais... Des fois, j'ai de la misère à voir l'animation. Je trouve que c'est trop petit. Peut-être que le contraste n'est pas le best. Peut-être que je chiole pour chioler aussi. Mais bon, si j'ai un défaut à faire, arrête de jouer dans le noir. Dire, ça serait ça. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de rétro-lumière non plus. Fait que souvent, dans le noir, on voit pas grand-chose. Puis je me rappelle dans le temps que je travaillais dans les magasins de jeux vidéo, on vendait des petites lumières cheapettes. Oui. Branchées sur le côté. Ça bouffait ta batterie pour à peine que tu voyais un petit peu. Ouais. Ça n'a pas été arrangé jusqu'à temps qu'il sorte le Game Boy Advance SP. Non, ça a pris du temps. Donc, dernière chose à dire sur la Game Boy? Écoute, est-ce que c'est un achat? ce serait du Game Boy Advance, mais on n'en parle pas ce soir. Donc. Non, ça va aller le mois prochain. OK. Ah, OK. On va en jaser le mois prochain, parce que pour le, selon moi, c'est une console qu'il ne faut pas négliger. Oh non, non. Vraiment non. À part de la Game Boy. Fait que là-dessus, on va aller voir notre monde qui est sur le chat pour une dernière fois. Mm-hmm. Alors, on va aller voir qui vient nous jaser. Ethan Wolfcat dit qu'il y avait une Game Boy mauve à l'époque. Transparente. Oui, j'ai déjà vu ce modèle-là plusieurs fois en magasin. Fait que c'est un beau petit modèle. Sinon, à part de ça, là, j'essaie d'avoir mon chat YouTube qui apparaît. Bon. Yann Bear dit prends le Game Boy Player sur GameCube. J'avoue que si tu as envie de jouer à un jeu de Game Boy, c'est à peu près la meilleure façon pour que tu voyes mieux. Là. Mais faut pas que tu perds ton CD. Non. C'est pas drôle ça me purge un peu. Là. Et il faut pas scraper le CD. C'est pour ça que mon GameCube sert juste à ça. Il y a Rad qui m'enseigne un autre jeu d'indemnisation sur game, la Game Boy. C'est Metroid 2. Bah bon, ouais, c'est on l'a tout ouais. Oublié, celle-là. C'est vrai. Mais j'ai sérieusement, celui-là, c'est un des ceux que j'ai moins joué dans les Metroid. Peut-être parce que c'est quand même récent que j'ai commencé à y jouer aussi. Là. Mais c'est celui qui m'a comme moins attiré. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que ça t'a moins attiré ou bien... Probablement parce que ça ne se trouvait pas en magasin dans le temps. Là. Moi, j'en trouvais pas en magasin dans le temps que je voulais en avoir une. Ce qui veut dire quand j'avais comme 17-18 ans, quand j'avais ma Game Boy S26P et qu'il n'y avait plus de Game Boy point. Là. Ouais. Fait que sinon... attendez un instant. Voyons, je veux pas celui-là. Fait que j'ai comme deux chats qui sont ouverts. Yann Bear a dit qu'il a trouvé 80 jeux de Game Boy complet pour 5$ chaque. Ouais. C'est un gros le queue. Incroyable. Oui. Mm-hmm. Bon, ça se passe qu'ils vendent. Et Gabriel Jourdenet, j'espère que j'ai pas massacré ton nom. Oh, c'est pas qu'ils vendent. Ok, il dit j'ai jamais eu de Game Boy Color, mon ami me passait la sienne, puis j'ai joué à Link Awakening et aux deux Oracle. Tous des bons jeux. Effectivement, les trois Zelda sur Game Boy, c'est un must à avoir. C'est vraiment trop bon. Rad dit que mes souvenirs de la Game Boy Color, c'est que tous mes amis de l'époque qui jouaient pendant que moi, j'étais toujours sur ma Neo Geo sur Garou Mark of the Wolf. Ouais, t'étais comme pas mal unique, je t'avoue, Rad. Ouais, mais Arthur, c'est lui qui te trouvait cool là, avec sa Neo Geo. Ah oui. Sinon, on a Ethan Wolfcat qui dit qu'il avait joué à Rampage World Tour. C'est Game Boy Color. C'est Game Boy Color, que moi, j'ai pas joué. Sinon, pas ça. Monsieur Touf qui dit « J'aime bien les jeux Game Boy, c'est encore l'époque des jeux plateforme, c'était cool. Maintenant, les jeux plateforme ne donnent pas trop envie, je trouve. » À Star, je te dirais, peut-être pas ces consoles portables, tes téléphones, là. Je joue pas sur un téléphone. Non, c'est de la merde. C'est de la vraie merde, là. Mais si tu joues sur ordinateur, là, sur les petits jeux indie qui sortent, là, ça vaut vraiment la peine, par exemple. Il y a des bons petites plateformes qui sont sorties, là, qui ont pas rien à envier aux anciens, là. Comme on a parlé du nouveau jeu du créateur de Megaman. Alors, ça veut tout dire. Et sinon, à part ça, c'est à peu près tout ce que le monde nous jasait, parce que j'ai à peu près de faire le tour. Alors, là-dessus, Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre en tout temps sur antythes@yahoo.ca ou gmail.com. Mon Twitter est le antithèse SAYS. Mais la meilleure façon de me rejoindre demeure sur le forum des accros sur accrosdesjeux.com/. Ce n'est plus forum, c'est vrai, c'est PHPBB. Je ne comprends pas, monsieur Retro Gamer. C'est bien cela, je crois. D'accord. Et inscrivez-vous, ayez du fun. On est la meilleure gang que vous pouvez pas avoir avec qui vous pouvez pas changer de jeu vidéo. Rétro, de ton côté, comment peux-tu te rejoindre et explique en même temps ton concours que tu es en train de faire sur Accro des Jeux. Oui, Ben, je suis content que tu l'aies mentionné. Ça fait plaisir. Alors, nous avons présentement avec Retro Gamer PQ un concours pour gagner son t-shirt. Disponible en trois couleurs, soit noir, bleu ou vert. Nous le ferons tirer le 1er octobre 2013. Mais, pour pouvoir participer, il faut être inscrit sur le forum du site acrodesjeux.com. Et oui, et poster au moins une fois dans le topic du concours. Yeah! À ce moment-là, ben, on fera tirer votre nom au hasard, à la pige, et vous pourrez gagner un beau t-shirt. Yeah! Yeah! Et voilà, c'est tout. Bravo! Et comment on peut te rejoindre? Sur le site acrodesjeux.com, durant le forum, vous pouvez me contacter message privé ou par courriel rgpqrcommercialslgraph.net ou sur ma page Facebook ou sur mon YouTube. Petite Tanuka, comment on peut te rejoindre sur les internets? Moi, sur le forum des accros, Tanuka, un message privé comme quand vous voulez, puis aussi sur mon Facebook de Tanuka Pompoko. Et vous cherchez ça sur Facebook, puis j'accepte tout le monde. Elle est super sympathique. Elle est super sympathique. Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? La meilleure façon reste et restera toujours le site des accros des jeux sur le forum. Venez discuter avec nous. On est une belle gang, comme mon collègue PL le mentionnait. Et... sinon, j'ai mon site personnel www.testeuralpha.com. Donc ça fonctionne aussi. Sinon, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, ben, c'est simplement Testeur Alpha et vous devriez me trouver assez facilement. De mon côté, il y a plusieurs façons également de me rejoindre, mais la préférée, c'est sur le site des accros des jeux qui a été totalement retapé par M. Giger et M. RetroGamer PQ. Et quel travail, mesdames et messieurs! Quel travail magnifique! Ils nous ont fait un beau, vraiment très, très joli petit site. Alors, venez faire votre tour là-dessus. Je suis sur le forum tout le temps. Mais il y a d'autres façons également. Si vous utilisez Facebook, facebook.com/accrodesjeux pour pouvoir nous venir sur notre page. On est rendu à 281 fans qui viennent nous dire un beau bonjour. Alors, salut tout le monde. Il y a également le Twitter des accros des jeux, @commercialaccrodesjeux. Si vous voulez m'envoyer un courriel, vous pouvez l'envoyer à accrodesjeux@commercialgmail.com. Pour ce qui est des invitations Facebook, n'envoyez pas ça à mon invitation, à mon nom à moi. Je ne les accepte pas. Allez plutôt sur accro des jeux en nom de famille. Ça, c'est un autre compte que j'utilise. Celui-là, c'est celui des fans. Si jamais vous voulez passer, me dire un beau bonjour, c'est dans ce compte-là. Alors, c'était le podcast des accros des jeux, l'édition du 3 septembre. On a jasé de la Game Boy et de la Game Boy Color. Revenez la semaine prochaine parce qu'on va jaser de World of Warcraft. On va finalement jaser du MMORPG en gang et vous dire nos impressions sur ce jeu-là. Et également, préparez-vous. Semaine prochaine, vendredi le 13, 14 et 15, on est au Comic-Con de Montréal. Toute la gang des accros sera là. Monsieur. Les accros ont une table. Testeur Alpha a une table. On est collés. Donc, venez nous dire un beau bonjour. Venez nous demander de nous serrer dans vos bras ou un autographe. Ça va nous faire plaisir. On va faire également de la vente de pixel art pour le financement des accros des jeux. Toutes les ventes vont aller au profit pour le site internet des accros des jeux. Donc, ça va aller pour des tirages et des prix de présence et tout ça. Alors, venez voir nos beaux produits de pixel art qu'on va vendre et venez nous dire un petit bonjour en même temps. Ça va être le gros party. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Fait que gênez-vous pas. Tout à fait. On ne meurt pas. Alors, c'était le Big Ben. C'était Antithèse. Retro Gamer PQ. Testeur Alpha. Ah, il y a eu un bug. Et là, c'est à toi. Parce que moi, je suivais l'ordre des non. Hein. Non, non, non. C'est non, non. Il faut tailler à la fin. Et à la fin. Tanuka. Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye-bye.